Brassica. Con Brassica. Una Mercedes. Una Mercedes. Résidence secondaire, un bel week-end. d'amour. Après, je ferai les 400 coups. Il n'y aura plus jamais d'horaire. Il y en aura pour tous les goûts. Reviens, ma pute sainte. Ma liqueur, mon absinthe. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.